Sachant simplement que la matière elle-même peut être mobilisée par un degré assez puissant d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui vous tient en vie. C'est l'énergie aussi qu'on peut employer pour, disons, faire des guérisons magnétiques. C'est l'énergie qui est reconnue sous deux appellations, yin-yang, dans l'acupuncture. Et c'est, l'énergie vitale, disons que c'est un peu cela. Et on peut bouger des objets à distance en contrôlant notre énergie vitale et non pas par le pouvoir de la pensée. La pensée n'a de pouvoir que dans la pensée. Et c'est déjà un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire que nous pouvons, par exemple, régler les problèmes de pensée par la pensée. Évidemment, on a différents mécanismes de la pensée. L'expression de la peur, c'est une expression qui est, disons, de notre pensée, pensée psychologique, pensée émotive, et qui, elle, par résonance vibratoire avec le bas astral, c'est-à-dire la psychologie qui résonne plus bassement, ou là où on va trouver la peur, qui est en dialogue, en relation, en harmonie presque correcte, presque parfaite avec l'énergie vitale, et l'énergie vitale est en harmonie ou en relation avec l'énergie physique, donc notre peur psychologique va se répercuter dans une expression physique d'alerte tout à fait endocrinien. Si on prend la pensée pour faire bouger les objets, notre pensée, la pensée qui vous habite dans votre corps, n'est même pas suffisamment intelligente, disons, en harmonie avec votre corps pour pouvoir faire bouger votre corps. Et si l'homme bouge, ce n'est pas parce qu'il pense. D'ailleurs, on a des personnes qui ne pensent plus, qui ont des spasmes. Hein? Bon. Alors, l'expérience est simple, c'est juste pour vous démontrer qu'effectivement, par le pouvoir de votre pensée, vous n'êtes pas capable de faire bouger votre corps. Alors, l'expérience est extrêmement simple. Tout le monde, vous avez une table, je crois, à votre disposition. Alors, vous allez placer le bras droit, par exemple, sur le dessus de la table. Alors, on place son bras sur la table. Si on n'a pas de table, on le place sur ses genoux. On le relaxe complètement. Et tout cela n'est pas un mécanisme de la pensée, même si l'homme le pense. Je vais vous réexpliquer après pourquoi. Et maintenant, vous regardez votre bras et vous vous concentrez pour qu'il lève. Alors, on essaie de faire en sorte que notre bras se lève tout seul, commence à flotter dans les airs. On veut que notre bras lève. Et c'est de la pensée pure. Vous vous concentrez pour que le bras lève, et vous verrez, il ne lèvera pas. Et concentrez-vous tant que vous voudrez, et le bras ne lèvera pas. Par contre, si vous voulez que votre bras lève, vous êtes obligé de le lever. Et c'est extrêmement subtil, mais il y a une bonne différence entre l'un et l'autre. Alors, soit que je lève le bras, soit que je me concentre par la pensée pour qu'il lève, mais il ne lèvera jamais. Par contre, lorsque je pense le lever et que je le lève, l'ego, c'est-à-dire celui, la parcelle énergétique qui pense émotivement, qui s'identifie au corps et à tout l'homme au complet, s'imagine que c'est par son désir que le bras est levé. Disons qu'il y a plusieurs dialogues, plusieurs relations entre la pensée qui veut lever le bras et des mécanismes qui sont énergétiques mais en relation avec le corps qui permettent effectivement au bras de se lever. Mais vous pouvez aussi remarquer que la majorité des actes que vous faites avec votre corps ne sont jamais en relation avec votre pensée. Alors, un exemple, on peut programmer une personne pour qu'elle puisse conduire une automobile tout en pensant à d'autres choses. On peut vous lancer quelque chose et par un acte réflexe calculé, c'est-à-dire que votre bras va être capable de calculer la trajectoire sans que vous ayez y pensé. D'ailleurs, pensez-y, vous allez l'avoir dans le visage. Si vous n'y pensez ça, pensez pas, vous êtes capable d'attraper l'objet. Continuellement, l'homme agit corporellement, mais ce n'est pas relié à sa pensée. Sinon, il devrait continuellement penser à ce qu'il fait et demain, il serait carrément inefficace. Si nous prenons, par exemple, un exemple au niveau de l'ordre médical, si nous prenons la pulsation cardiaque d'une personne qui est dans une clinique ou dans un hôpital, nous pouvons avoir une idée. Évidemment, le praticien devrait savoir que la pulsation risque d'être légèrement de 2-3 battements à la minute plus haut que la normale, mais ça, on s'en fout, ça dénote rien. Si nous prenons la tension artérielle, normalement, elle est un peu plus élevée, parce que la personne est un petit peu angoissée. Et si nous prenons le décompte de sa respiration à la minute, nous devons le faire à son insu. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, elle n'y pense pas, mais la respiration s'accélère. Donc, on a plusieurs processus chez l'homme qui sont des processus qui vont être au niveau de la pensée, au niveau d'une certaine forme subtile de pensée psychologique et au niveau d'une expression, donc ce n'est pas de la pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la conscience de l'homme, une expression de sa psychologie astrale par l'intermédiaire du corps physique qui peut, par l'intermédiaire du système vital et du système endocrinien, faire bouger le corps. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais dans la conscience de l'homme, ce qui est pensé, donc ce qui est à l'état de conscience, ce qui est su par l'homme, par une entité énergétique de lui-même, ne peut pas faire bouger des choses. il est, vous êtes, votre pensée est dans votre corps et elle n'arrive même pas à faire bouger votre corps. Par contre, votre corps bouge même si votre pensée n'est pas en accord avec ce que le corps fait. Les réflexes, vous allez aux toilettes, vous n'y pensez pas, vous avez quand même un sphincter qui se relâche et un deuxième qui bloque, disons, l'urine, ce qui vous donne l'impression que vous avez envie d'uriner. Ce n'est pas des mécanismes de la pensée. On a énormément de mécanismes qui sont, disons, dirigés par soit notre cervelet, soit notre bulbe rachidien au niveau de notre cerveau, qui n'ont rien à voir avec la pensée, qui peuvent de temps en temps être contrôlés par, non pas par la pensée, par contre par un mécanisme qui, lui, peut être en harmonie avec la pensée. Donc, l'homme qui veut, par la pensée, bouger un objet, doit, par la pensée, contrôler un mécanisme en lui qui, lui, peut contrôler les objets aussi facilement à l'extérieur que dans le corps. Maintenant, on a un dialogue plus facile avec notre pensée et l'énergie qui manipule notre corps qu'avec l'énergie vitale qui manipule l'extérieur. De ce fait, l'homme peut bouger son corps, mais difficilement à l'extérieur. Un autre mécanisme, disons, enfin, il y a plusieurs mécanismes, disons, je ne passerai pas trop le... Je persévérerai pas là-dessus. Enfin, bref, passons. Étant donné que on finira la conférence juste sur les critères, disons, énergétiques et médicaux, et on s'éloignera un petit peu du dialogue. Mais le dialogue entre la personne, c'est un dialogue qui doit se faire par étapes, par strates. Donc, la pensée ne peut pas ordonner au corps physique. La pensée peut être en relation avec différentes choses. Mais, soit dit en passant, la pensée de l'homme, votre pensée, ne peut à peu près pas entrer en dialogue avec les énergies extérieures à l'homme, avec des énergies supramentales, avec des énergies divines, comme avec des énergies corporelles ou planétaires. D'autres mécanismes qui vont intervenir dans le dialogue. Disons que votre pensée, elle est dans un bocal, elle est enfermée. Et l'énergie de la pensée circule dans ce bocal et ne peut pas entrer en dialogue avec l'extérieur. Par contre, la pensée entre en dialogue avec des mécanismes énergétiques qui l'entourent, qui sont évidemment intégrales chez l'homme, qui appartiennent à l'homme. Et par ces mécanismes, si la pensée arrive à les contrôler, elle peut s'exprimer à l'extérieur. Ce qui fait que lorsque l'homme pense, prévoir l'avenir, l'homme ne prévoit habituellement pas l'avenir. Lorsque l'homme pense réussir, c'est une expression de son ego, mais ce n'est pas une perception lucide de quelque chose. Lorsque l'homme sait, et là c'est quelque chose extrêmement subtil, disons, qui peut être difficilement compris, mais la pensée de l'homme, elle est dans un œuf. Et autour de cette pensée égoïque, autour de tout cela, il y a des formes d'énergie qui permettent l'expression de l'œuf, mais une expression qui sera colorée par l'évolution, c'est-à-dire par le raffinement des mécanismes qui permettent le dialogue entre l'œuf, la pensée et l'extérieur ou le corps. Donc, par ma pensée, je veux contrôler, je veux prendre un verre et je souffre d'une certaine maladie, donc je dois y aller d'une façon assez brute pour pouvoir prendre le verre. Normalement, la personne qui pense vouloir se délecter, disons, boire, elle a une pensée dans l'œuf, elle a autour un paquet de phénomènes énergétiques, psychologiques ou astrales qui viennent énergiser la pensée. Donc, la personne n'a pas pensé qu'elle avait soif, elle a soudain le goût que ça est entré qu'elle aimerait boire. Et ça, c'est différent de la pensée chez l'homme. Et normalement, ces mécanismes sont intimement reliés, mais lorsque l'homme veut contrôler sa pensée, l'homme contrôle quelque chose qui n'a pas de contrôle sur rien d'autre. Alors, lorsque l'homme contrôle son émotion, alors je veux contrôler par la pensée mon cœur et accélérer mon rythme cardiaque. Des fois, je fasse longtemps et je n'arriverai pas à l'accélérer. Sauf si je me mets en colère parce que ça ne marche pas, là, il va se mettre à accélérer tout seul. Et là, je me dis, bon, ça marche. Ça ne marche pas. C'est que la pensée a fini par tellement canaliser d'énergie que dans la psychologie qui n'est pas reliée à la pensée propre, mais qui est reliée à l'expérience de l'homme, il y a à un moment donné des mécanismes qui, eux, sont en relation avec un système endocrinien et qui, eux, peuvent contrôler le cœur. Donc, si présentement, vous vous imaginez que vous avez peur, si vous suscitez la peur en vous et vous pensez à des choses qui vous font peur, lentement, vous allez commencer à sentir l'énergie de la peur et votre cœur va accélérer. Alors, l'homme peut contrôler son cœur, mais l'homme doit passer par les voies qui sont en relation avec le cœur. Il y a d'autres mécanismes qui permettent d'accélérer ou de ralentir le cœur. Ce sont des mécanismes qui, par des voies, disons, hypothalamiques, vont, par l'intermédiaire encore des émotions, contrôler ce genre d'organisme. Mais seulement par la pensée, ce dialogue est vain. Ah, mais j'étais voir quelqu'un, je pensais réussir, mais tu pensais, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité, la pensée. La pensée, disons, qui continue dans l'œuf de l'homme. Et c'est très subtil. Je vais d'ailleurs, disons, revenir sur ce genre de... pour pousser plus en approfondi ce sujet dans les conférences prochaines. Mais la pensée de l'homme, votre pensée claire, la pensée elle-même, qui est colorée par l'émotion, colorée par l'énergie supramentale, colorée par l'énergie mentale, il y a quelque chose en vous, à un moment donné, qui veut faire des choses et qui n'arrive jamais à s'exprimer, mais qui est toujours manipulé, qui est toujours coloré. Et par l'intermédiaire de ce qui nous colore, nous pouvons manipuler. Alors, disons que c'est important dans le dialogue de voir la différence entre cette classe de pensée qui, par exemple, veut me faire bouger des choses. Mon désir, ma psychologie, elle peut contrôler, et elle veut contrôler ce que j'appelle la pensée, ce qui est l'identification suprême, l'homme, la pensée. L'homme pense donc il est, en réalité l'homme pense donc il n'est plus dans la réalité des faits, il croit être, mais ce qui fait que vous, dans l'œuf dans lequel vous vous identifiez, la pensée n'a pas de contrôle sur l'extérieur, et on pense qu'en en canalisant, en concentrant cette pensée, on a un résultat. C'est en connaissant les mécanismes qui sont reliés à la pensée et en travaillant sur ces mécanismes qui, par, disons, résonance de mécanisme en mécanisme, par dialogue, on aura un résultat dans la matière. Vous voulez vous guérir? Pensez à être en santé, vous allez toujours être aussi malade. Par contre, vous voulez vous guérir d'une maladie et il y a un mécanisme, un travail qui doit être fait, qui peut être une programmation. La pensée peut permettre la programmation, mais non pas la guérison. Alors donc, on peut par la pensée positive ou par l'énergisation d'un égrégore, créé par la pensée, arriver à un moment donné à se guérir d'une maladie, d'un cancer ou de quelque chose du genre. Mais ce n'est pas la pensée, sinon le fait d'y penser, on l'aurait. Comme la pensée télépathique. On a des télépathies physiques, des télépathies vitales, mais on a rarement de télépathie au niveau de la pensée. La personne pense la même chose que vous en même temps. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'y penser pour qu'elle y pense. C'est en même temps. Il y a une communication qui se fait dans un autre niveau, et on parle de la pensée. La pensée, c'est un synonyme d'ego. Et donc, on donne les pouvoirs à la pensée. Tous les pouvoirs qu'on ne peut donner à l'ego, on les donne à la pensée. Mais c'est la même chose, sous un autre mot, un autre terme. Donc, plus on a de pensée, plus on a d'ego, dans un sens. C'est ce que tous les grands et les petits maîtres ont dit. Puis, c'est-tu un peu le processus qui fait que la matérialisation de la pensée s'effectue... C'est qui fait dans que le temps, dans c'est le temps. Long, dans effectivement. Il y a deux mécanismes, disons, qui sont nécessaires pour qu'il y ait matérialisation de la pensée. Il doit premièrement y avoir une connexion, un dialogue entre la pensée et différentes énergies pour arriver à la matérialiser dans le corps de l'homme. Ou par la parole. Évidemment, la pensée s'exprime beaucoup plus facilement par la parole que par le corps, c'est plus rapide. Et évidemment, il doit y avoir aussi une possibilité dans l'événement, dans le temps, pour que cette pensée devienne matérielle. Alors, c'est disons deux mécanismes qui font que lorsque l'homme a une pensée, ça peut être extrêmement long dans le temps avant que la pensée devienne matérielle. OK. On a deux questions ici sur l'ajusteur de pensée. Le premier, c'est la définition. C'est qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Bon, au niveau supramental, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Donc, l'ajusteur de pensée vu par en haut. Alors, l'ajusteur de pensée vu par en bas, vu par l'homme, cela peut représenter une espèce d'ange gardien, une espèce de catalyseur melchisédien. Cela peut représenter différentes formes d'énergie qui viendraient s'assujettir à l'homme, se connecter à l'homme, pour filtrer, c'est-à-dire pour faire office de diaphragme, de façon à ce que l'énergie supérieure, trop énergisée, trop électrisée, ne vienne pas bousiller, brûler l'homme. Donc, cela, ça fait comme un diaphragme vu par rapport à l'homme, qui laisse rentrer un peu ou un peu plus d'énergie selon ce que l'homme peut recevoir. Et l'énergie qui rentre chez l'homme est de l'énergie ajustée, cela veut dire amenée au niveau de l'homme. Donc, la majorité des êtres humains sont en relation avec un ajusteur de pensée et avec une énergie supramentale qui s'exprime chez eux sous forme mentale ou sous forme astrale, dépendant de la possibilité, disons, énergétique de la personne qui est en relation. Vu par l'énergie supramentale, donc vu de haut, l'ajusteur de pensée peut être difficilement perceptible ou compris par l'homme. Parce que l'homme le voit à partir de ses propres principes, de ses propres expériences, de son vocabulaire, de l'énergie qu'il place sur chacun des mots, et il décrit l'ajusteur de pensée, et c'est de cette façon qu'on l'a souvent décrit aussi. Cela est donc facile, c'est imagé, mais c'est plus facilement comprenable par l'homme. La gestion de pensée au niveau supramental, c'est une forme d'énergie qui est créée par l'énergie supramentale lorsque cette énergie devient colorée par l'énergie mentale de la personne avec laquelle le supramental essaie d'entrer en relation. Cette espèce de colorage, ce teintage, crée un bouillonnement qui devient par lui-même une diffusion d'énergie supramentale, c'est-à-dire que tout l'excédent supramental qui ne peut pas pénétrer dans le mental de l'homme bouille, c'est-à-dire qu'il est épuisé, qu'il est rejeté à l'extérieur de l'homme, et automatiquement, il n'y passe que l'énergie pouvant être capté, être admis par le mental de l'homme, et le reste de l'énergie supramentale qui descend est diffusée dans l'extérieur, ce qui va soit énergiser l'astral supramental de la planète, soit qui va simplement être capté par d'autres mentales d'êtres humains qui sont en relation ou qui sont proches intimement par la vibration ou par la présence physique. Et donc, l'ajusteur de pensée n'est en fait que une espèce de bouillonnement, un résultat de contre-attaque du mental sur l'énergie supramentale. On a deux formes d'ajusteur de pensée particulières dans l'ajusteur de pensée individuel chez l'homme. On a celui qui est créé par le refus de l'ego, le refus donc des formes astrales, des formes psychologiques, à la compréhension supramentale, parce que l'énergie supramentale est une énergie d'intelligence, donc de compréhension instantanée qui refuse l'expérimentation, c'est-à-dire que tu as une connaissance instantanée, donc tu sais sans l'avoir expérimenté, ce qui évidemment, va à l'encontre de l'ego qui, pour se rassurer, doit connaître pour pouvoir savoir. Et il ne peut pas faire confiance à une connaissance instantanée s'il n'a pas expérimenté la vérité de cette réalité. Donc, l'ajusteur de pensée est de deux ordres. Soit un refus de l'ego, donc des forces émotives sur la force d'intelligence, ce qui crée évidemment une espèce d'éclatement de l'énergie supramentale. Et ce bouillonnement, nous pouvons l'appeler ajusteur de pensée. Et suite à cela, tu as un deuxième refus donné par l'énergie mentale qui ne peut pas comprendre, donc qui ne peut pas assimiler l'énergie de la compréhension, ce qui fait qu'automatiquement, l'énergie supramentale rebondit encore une fois. Et évidemment, il y a une incrustation qui se fait dans le mental comme dans la psychologie, et cette incrustation, c'est le contact supramental par l'ego psychologique ou par le mental sont de l'homme. Et évidemment, l'éclaboussement, c'est ce qui visuellement pourrait apparaître comme étant l'ajusteur de pensée. Alors ça, donc, c'est la vision supramentale, de l'ajusteur de pensée. OK, la deuxième partie qui va avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui parle avec son ajusteur de pensée? Alors, celui qui parle avec son ajusteur de pensée, en réalité, il ne parle pas avec l'ajusteur de pensée. Il parle simplement avec la trace laissée chez lui par l'énergie supramentale. Donc, il parle avec l'éclaboussement, il parle avec les traces laissées chez lui. Alors, si la personne entre en relation avec une énergie supérieure, je répète que l'énergie supérieure ne peut pas être supérieure à ce qu'il y a de supérieur chez l'homme. Donc, lorsque la personne entre en relation, en dialogue avec l'ajusteur de pensée, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se passe ceci. Elle entend une voix, mais elle aura simplement une prise de conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas des voix. Au début, elle entendra des voix qui seront simplement l'interprétation de l'énergie supramentale de façon psychologique, de façon à ce qu'elle puisse expérimenter, connaître le dialogue comme elle le connaît de par son vécu psychologique, de par son expérience planétaire. Donc, elle va essayer de voir, exactement comme lorsque tu vois Dieu, il doit avoir une forme personnalisée, sinon tu ne peux pas voir Dieu. Parce que si Dieu apparaît en ouragan, c'est un Dieu qui te fait peur. Dieu doit apparaître d'une certaine façon. Alors donc, dans la tête d'une personne qui, d'un prime abord, entre en relation avec l'ajusteur de pensée ou avec l'énergie supramentale, elle entendra des voix. Mais de ces voix, elle ne pourra pas discerner la voix psychologique, donc de l'astral sociétaire ou planétaire ou individuel, de la voix ajustée du supramental. Donc, elle devra développer le discernement et par là, pour développer le discernement, elle devra parler. C'est-à-dire qu'elle devra communiquer ses énergies, émotives ou supramentales, de façon à pouvoir les entendre et à pouvoir les analyser mentalement. Ce qui, disons, est le rôle du dialogue au niveau supramental, ce qui va développer, évidemment, les capacités d'entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'ajusteur parle et qu'il n'y a plus que l'homme psychologique n'a plus besoin de retracer, de recréer un dialogue conventionnel pour pouvoir penser qu'il dialogue avec l'ajusteur de pensée? Alors, il se passe ceci, la personne pose une question et soudain, elle a une vibration qui peut être une réponse, mais elle ne pourra même pas expliquer ce qu'elle répond parce que l'énergie qui maintenant l'habite, l'énergie ajustée par l'ajusteur de pensée, n'est pas encore dit descendu au niveau de la parole. Donc, la personne va dire, je le sais, je vois clair, mais je le sais pas. Alors ça, c'est un contact tout à fait typique de l'ajusteur de pensée ou de l'énergie supramentale. Alors, la personne, elle le sait, tout d'un coup, elle voit clair, cela disparaît, elle sait qu'elle a vu, elle a de la misère, elle devra faire un travail, un effort, si elle veut communiquer ce qu'elle a dit. Et un peu plus loin, évidemment, nous faisons ça globalement, un peu plus loin, la personne pourra, lorsqu'elle a un contact supramental, donc un contact avec l'ajusteur de pensée, elle pourra communiquer verbalement et immédiatement ce contact. Donc, le contact pourra être transmissible par la parole immédiatement et la personne découvrira dans l'écoute de sa parole la réponse ou la connaissance, donc l'interprétation énergétique d'ajusteur de pensée ou de l'énergie supramentale, donc la connaissance qui est une interprétation, et la personne par la parole apprendra. Et plus loin, disons que là, c'est déjà suffisamment loin, c'est ce qui va se passer dans la tête d'une personne qui est en contact avec l'ajusteur de pensée. Ce sont, disons, les trois formes de... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'ajusteur de pensée, justement? OK. En tout cas, si vous en venez, on va la reposer à plusieurs fois. On va passer à une autre question. Comment se donner de l'intensité dans le dialogue? Alors, il faut faire attention, évidemment, la question ici peut être abordée de deux façons. Maintenant, on ne doit pas mettre d'intensité dans le désir de réussir un dialogue. Parce que, évidemment, si l'on fait cela, nous mettons... nous nous assujettissons à être malheureux si le dialogue ne marche pas. Et évidemment, le fait qu'un dialogue doit être réussi, c'est comme si nous remettions notre bonheur dans les mains de l'autre, parce que ça dépend évidemment de l'autre. Ça dépend de nous et de l'autre. Donc, si nous sommes bien prêts à réussir un dialogue et que l'autre n'y est pas, nous allons souffrir. Donc, on ne doit pas mettre d'intensité dans un dialogue. Par contre, si nous prenons, pour bien, disons, répondre à la question, nous allons éliminer le mot intensité, qui est ou qui peut être un synonyme d'attacher de l'importance. Dans un dialogue, pour qu'un dialogue soit réussi, il doit simplement y avoir aucun conflit égaux. Donc, il ne doit pas y avoir de perturbation dans la psychologie, sinon le dialogue est coupé. Alors, s'il y a perturbation psychologique, l'être devrait monter au niveau du dialogue mental. Donc, elle devrait essayer de voir la réalité, l'essence, de comprendre au-delà de la forme du mot. Là, il y aura le dialogue énergétique. La télépathie, c'est à peu près cette approche. Alors, ce qui fait que vous devriez, lorsque c'est un dialogue mental, ne pas comprendre ce que les mots viennent dire chez vous. Parce que là, c'est un dialogue psychologique et vous analysez chaque mot pour voir si vous n'êtes pas agressé. Alors, évidemment, consciemment, ce n'est pas ce que vous faites, mais le résultat risque d'être cela si la personne vous donne des bêtises, même si elle voulait discuter convenablement avec vous. Alors, ce qui fait que si vous essayez de comprendre énergétiquement la personne, alors, la personne qui vous dit « je vous aime » ou encore « je vous haïs », qu'est-ce qu'elle communique en plus du mot? Alors donc, le dialogue existe continuellement si vous ajustez vos énergies aux énergies d'un autre. Mais le dialogue n'est pas lorsque les deux ajustent leurs énergies aux énergies de l'autre. Là, ça devient deux dialogues. Alors, je répète bien que le dialogue, c'est lorsque vous êtes capable soit d'écouter, donc vous apprenez, soit de parler, et évidemment, quand vous parlez, vous placez vos énergies de façon à ce qu'elles soient mélangées avec les énergies de l'autre. Mais si l'autre ne veut pas, si l'autre n'est pas capable, si l'autre rentre dans un conflit d'ego, si l'autre lutte, le dialogue, vous n'en avez pas de besoin. Il y aura toujours un dialogue entre vous et l'extérieur, parce que vous êtes vivant, et la vie est une relation de toute manière. Un dialogue physique, vital, psychologique de toute manière, par vos sens, et mental, par l'analyse faite par ce qui est capté par les sens. Alors, donc, mettre de l'intensité dans un dialogue, essayer de pousser un dialogue pour arriver à quelque chose, cela peut être bon à la condition que nous soyons sur le niveau mental. Sinon, pousser un dialogue dans l'émotion, comme par exemple un couple va faire, dis-moi donc ce que tu penses, là. Ah non, je ne vais pas te le dire. Ah oui, dis-moi le donc, là. Ah, tu comprendras pas. Oui, il va comprendre, mais c'est émotif. S'il commence à y dire, la chicane va pogner. Hein? Plus souvent qu'autrement. Alors donc, on est poussé, disons, vouloir dialoguer lorsque la personne est dans un état psychologique. Si elle ne peut pas monter au niveau mental, vous devez être bien préparé à rester mental. Parce que si l'autre vous dit ce qu'elle pense, ben oui, mais c'est pas ça, fallait que tu penses, pas ça, ça. Ben là, vous tombez vous-même en bas, puis là, ça marche plus. Alors donc, de vouloir pousser un dialogue, c'est dangereux, sauf si vous êtes capable de rester de niveau mental, donc de ne pas tomber dans la chicane, de ne pas être en colère, de ne pas vous sentir visé. Parce que vous devrez donc comprendre que le fait qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, elle le pense quand même. Alors, le fait que vous le savez, ça vous débine. Le fait que vous l'ignorez, ça vous débine pas. Alors, c'est réellement juste un état psychologique d'expérience qui différencie les deux niveaux. Si vous êtes capable de rester mental, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'êtes pas capable, essayez pas de pousser un dialogue lorsque la personne qui pourrait parler est dans une phase émotive. Si vous n'êtes pas capable de rester mental et d'être un auditeur, disons, correct. Alors, donc, mettre de l'intensité dans un dialogue, il faut s'entendre avec ce qu'on veut dire. Si c'est pour régler un problème et qu'on est capable de le faire mentalement, comme deux personnes d'affaires, par exemple, cela peut aller, mais pas attacher d'importance au dialogue. Donc, c'est important que chacun reste dans sa vibration. Oui. Et encore que sa vibration, il faut qu'il la découvre lui-même. Qu'il la découvre. C'est pas juste la vibration de l'émotion, pas juste la vibration du mental. C'est adapté, évidemment, aux situations et aux événements. OK. Une personne qui dialogue avec son mental ou même l'énergie supramentale, ne doit-il pas être dans un état de doute vis-à-vis les réponses à ses questions et attendre plusieurs fois s'il recevra toujours les mêmes réponses par rapport à ses questions, exemple spirituel, psychologique ou orientation de vie? Alors, c'est tout à l'heure ce que, disons, j'ai dit lorsque la personne qui n'a pas le discernement se doit simplement de toujours analyser les réponses en parole qui viennent chez lui, de façon à ce qu'elle-même ne soit pas manipulée par une forme quelconque d'énergie, alors qu'il soit astral ou supramental, vu qu'elle ne peut pas le discerner, elle peut donc faire des choses qui paraissent brillantes, intelligentes, parce qu'elle se dit reliée au supramental, mais si elle les analyserait, elle verrait que ce n'est pas évident, évidemment intelligent dans l'événement, ou disons, dans lequel elle veut les appliquer. La personne va être capable... La personne, c'est ça, c'est compliqué, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est simple et facile. Lorsque la personne arrive à discerner entre l'astral et le supramental, elle n'a plus besoin de discernement. Donc, on recherche le discernement pour ne plus en avoir besoin. De toute façon, c'est la même chose pour n'importe quelle technique ou n'importe quelle recherche humaine. Alors donc, vous devez discerner, mais lorsque vous êtes rendu à la phase où vous discernez l'énergie supramentale de l'énergie astrale, c'est que vous êtes dans une énergie facilement reliable au supramental. Donc, vous n'avez plus besoin de discernement, étant donné que nous passons à la troisième phase de ce qui se passe dans la tête d'une personne, vous avez une conscience. Alors donc, vous posez une question et en même temps, mais avant même que la question soit finie d'être posée, on a l'énergie de la réponse. Et on n'a plus besoin de discernement là. Par contre, on devra discerner jusqu'à quel niveau nous allons interpréter cette réponse pour pouvoir l'avoir dans notre conscience égoïque, dans notre conscience psychologique. Alors, de toute manière, la personne devra toujours, évidemment, faire attention à toutes les réponses. Quel que soit le dialogue, vous allez voir un médecin, il vous donne quelque chose, vous devez douter. Et douter, ça ne veut pas dire vous asseoir chez vous puis dire que le gars a tort. Parce que là, vous ne doutez pas, vous êtes sûr qu'il a tort. C'est plus du doute. Hein? C'est une certitude. Alors donc, vous devez douter, c'est-à-dire que le fait d'aller voir 3-4 médecins, le fait d'analyser vous-même selon vos connaissances, le fait de vous informer, c'est de cette façon, le doute est salutaire. Elle peut venir de votre expérience, elle peut venir de votre psychologie, elle peut venir d'une psychologie extérieure à vous, donc de l'astral sociétaire. Alors, ça peut être la mode, ça peut être les tangentes populaires, ça peut être plusieurs choses. Elle peut venir de l'astral religieux, donc d'un astral collectif religieux, l'astral moral, l'éducation. Elle peut venir de l'énergie supramentale, mais tant que l'homme ne le sait pas, de toute façon, l'homme ne peut pas le savoir tant qu'il n'aura pas un état de conscience. Et tant que lorsque l'homme a un état de conscience, il va évidemment devoir diminuer son état de conscience de façon à pouvoir en parler, de façon à pouvoir expérimenter son état de conscience. Sinon, il ne pourra pas le toucher. Et la psychologie a besoin d'expérimenter l'état de conscience. J'ai vécu l'illumination, puis j'ai vu Dieu, j'ai vu de la lumière, j'ai vu... Voilà, décris-le tant que tu voudras. Là, tu le désagrèges au complet, mais tu vas pouvoir vivre, tu l'as fait. Sinon, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai eu un gros flash... Toi, tu as payé 250$ pour les flashs. Explique-moi donc ce qui s'est passé. Ben, rien. Je peux pas. Alors donc, la personne, disons qu'elle aurait payé justement pour une initiation, elle devra, pour se prouver, c'est-à-dire qu'elle devra, pour se rassurer, elle va être obligée de descendre son initiation, c'est-à-dire ce contact énergétique, de façon à pouvoir en parler. Évidemment, là, le détruit au complet, mais elle fait une base, et à un moment donné, elle aura encore une fois l'initiation, mais elle n'aura pas besoin de le détruire, parce qu'elle l'aura suffisamment expérimenté dans la destruction, évidemment. Alors donc, on doit toujours douter, jusqu'à un moment donné où vous allez avoir une vision claire qui ne sera pas orale. Et lorsque vous aurez cette vision claire, vous pourrez répondre, donc être responsable, répondre complètement à n'importe qui, de n'importe quel niveau social, dans n'importe quel vocabulaire social, de façon à ce qu'ils comprennent. Cela veut dire que si vous avez un état de conscience, par exemple, d'une maladie, d'une pathologie particulière, vous allez être capable, si c'est relié au niveau supramental et que vous ne le désagrégez pas pour l'expérimenter égoïquement, psychologiquement, pour vous rassurer que vous l'avez vécu, vous devriez être capable de pouvoir affronter n'importe quel médecin et leur expliquer clairement ce qu'il en est au niveau de la maladie. Alors là, on n'a plus besoin de douter. C'est exprimé dans l'action. Mais tant que cela n'est pas fait, il faut douter. Il faut douter en maudit. Mais comme je le dis de temps en temps, on doit douter autant d'avoir raison que d'avoir tort. Donc, en réalité, il faut rester neutre et ne pas attacher d'importance aux réponses. On doit les juger nous-mêmes. Le dialogue à deux est déjà difficile parce que les deux personnes ajustent leur énergie. Mais que dire du dialogue entre plusieurs personnes, trois ou quatre, etc.? Alors, c'est, disons, prouver que lorsque dans les compagnies, lorsque nous voulons, par exemple, faire une réunion pour discuter de certains points, moyennement, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Hein? Alors, c'est évident que dans un dialogue à deux, les complications vont naître seulement si le dialogue se fait au niveau psychologique. Et lorsque on fait un dialogue au niveau mental, alors même si on est 25 à être mental, on ne perdra jamais de temps sur des futilités. On n'aura pas besoin de prouver, on va étudier. Alors, j'amène mon point de vue, tout le monde analyse, tout le monde le trouve pas bon. Moi, j'analyse avec, on me donne les points de vue pour que j'arrive à la même idée, mais je ne suis pas toujours en train d'essayer d'y aller par feeling puis des choses dans le genre pour prouver que mon idée est bonne. Alors donc, évidemment, si on est au niveau mental, le dialogue à plusieurs, il n'y a aucun problème. Si on est au niveau psychologique, et l'homme est souvent entre les deux dans des dialogues d'affaires, autant psychologique que mental, alors évidemment, le problème est extrêmement compliqué. De toute façon, la personne doit commencer par dialoguer chez elle, avec elle, premièrement, avec ses différents plans, dont évidemment le plan de l'ajusteur de pensée. Elle doit dialoguer chez elle. Et lorsqu'elle entre dans un dialogue avec l'extérieur, elle doit surtout essayer de l'aborder au niveau mental. Et s'il n'y a pas de danger de l'aborder au niveau psychologique, évidemment, la personne donc peut donc descendre au niveau psychologique et l'aborder, ce qui va lui permettre d'aimer une sœur, de parler à un enfant ou de parler à son mari ou à sa femme d'une façon émotive. Parce que cela est bon. Sauf que c'est dans ce genre de dialogue qu'on a des problèmes et des souffrances. Donc, on doit non pas l'aborder avec une peur, parce que c'est déjà un dialogue psychologique, évidemment, si on l'aborde avec une peur. L'aborder avec la connaissance, en connaissance de cause. Et lorsque cela peut être bon pour notre énergie, on peut faire un dialogue psychologique, émotif. On peut rire, on peut s'amuser, on peut coller quelqu'un. Bon, mais lorsque cela peut diminuer notre énergie, donc nous rendre malheureux, ben, c'est beaucoup préférable de monter au niveau mental. Évidemment, lorsque la personne a commencé à être désagrégée dans le malheur, elle ne parle pas du mental, il est presque trop tard. Parce que son niveau psychologique est tellement bas, l'énergie mentale, elle la perd. Elle ne peut plus rentrer dans une étape mentale, donc elle ne pourra pas comprendre. Pour qu'elle comprenne, on devra l'encourager, la dynamiser, lui remonter le moral, donc on remonte lentement le palier d'énergie et psychologique, jusqu'à temps qu'il atteigne le palier mental, et après ça, on va lui expliquer ce qui se passe en essayant de faire attention pour la faire tomber de suite. Puis plus elle va comprendre, plus qu'on est capable d'y donner des explications jusqu'à temps qu'elle comprenne ce qu'elle voit clairement. Alors donc, dans le dialogue, la personne doit commencer par se dialoguer avec elle-même, avec ses propres phénomènes, ses propres misères, ses propres problèmes. Lorsqu'une personne dialogue avec elle et qu'elle dit « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Elle ne dialogue pas, elle broye. Elle n'aura pas de réponse. Mais si la personne se pose la question « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Parce que là, elle broye, là, elle se plaint. Là. Elle exclut l'humanité, elle est seule sur la Terre, seule sur la planète, puis rien qu'à elle, ça y arrive. Bon. Mais si la personne est laissée de se poser une question, pourquoi j'ai des dettes? Alors, pas à cause de la société pourrite, c'est pas une réponse, parce que t'es dans la société et t'es dedans. Alors, il y en a qui sont riches dans la société pourrite, il y en a qui sont pauvres dans la société pourrite. Alors, soit qu'il y a de la pourriture toi-même, ou bien non, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas à cause de ça. Quelle que soit la situation, si t'es mal pris, c'est parce que tu agis mal dans la situation. Alors, si tu te poses la question, non pas pour broyer, donc, au niveau réel, tu dialogues. Alors, pourquoi j'ai des dettes? Bon, parce que je dépense trop, c'est une question. C'est pas une réponse, c'est une question que tu te poses quand tu dis ça. Parce que je dépense pas assez, non, ça peut être ça. Tu y vas, tu poses des questions et tu continues. Mais si tu es dans une phase tellement endettée que t'as peur, t'es déjà dilapidé, t'as de la misère à réfléchir, t'es paralysé, ben évidemment, là, tu as besoin d'une ressource extérieure qui va t'encourager, qui va remonter ton niveau d'énergie psychologique pour que tu arrives à une phase de niveau mental, puis là, après ça, il va essayer de faire expliquer, puis à un moment donné, là, ça t'attend de poser des questions. Sauf que la majorité des psychologues ont une tendance, ou des psychiatres ont une tendance, je veux dire, tous les thérapeutes d'un niveau de la psychologie, même médicale, ont une tendance à te remonter le moral, puis après ça, à s'organiser pour que tu restes attaché aux autres. Ce sont rares ceux qui veulent veulent t'énergiser suffisamment pour que tu n'aies plus besoin de la pilule ou du conseil ou de l'énergie du psychologue ou du psychiatre ou du thérapeute. Mais normalement, ce qui devrait arriver, c'est qu'on donne des conseils, puis après ça, on laisse aller. D'ailleurs, même les parents, même les amis, vous allez voir quelqu'un qui va vous donner vous lui demander un conseil, il vous le donne, ça marche, puis il est toujours en train de vous suivre, il continue à vous conseiller. Alors, normalement, on devrait abandonner à un moment donné que la personne s'arrange tout seul. Alors, donc, on doit développer le dialogue chez soi pour commencer, et il faut faire attention pour s'adresser aux bonnes énergies, donc on se met pas à broyer quand ça va mal, on se met pas à maudire l'univers, les étoiles vont continuer à tourner pareil, puis les fleurs continuent à pousser, puis il se passe rien de plus. Alors, même si t'en écrases, puis tu tapes sur ton char, ça change rien pareil. Et puis, tu dois donc essayer de poser une question mentale claire, dénudée d'émotions quand tu la poses. Et là, tu risques, à un moment donné, d'avoir des réponses. Les réponses te viennent par ton expérience, donc de toi, ou de d'autres formes d'énergie qui vont finir par pouvoir pénétrer chez toi. C'est à toi de les analyser, évidemment, tu vas faire confiance. Est-ce qu'il reste, ta psy, des questions dans la salle? On voit mal, mais je pense qu'il n'y en a pas. OK. C'est rien que pour nous tester la question sur la feuille verte. Mais il y en a un autre pour nous tester, ici là qui n'est pas du même domaine. On a déjà parlé de un ou deux apôtres, Saint-Jean, Lazare, etc. Peux-tu parler des autres et ont-ils un rôle présentement? Bon, effectivement, c'est pas tout à fait dans le sujet. On a déjà parlé de un ou deux apôtres, Saint-Jean, Lazare. Encore que Saint-Jean n'a pas parlé beaucoup, enfin moi non, Raphaël peut-être, Lazare un peu. Parler des autres apôtres. Alors voilà, c'est que si on parle des autres apôtres, il faut évidemment faire attention à ce qu'on veut entendre de ces apôtres et à ce qu'on est prêt à entendre. Le Nazaréen n'a évidemment pas transmis, disons, son message par l'intermédiaire de 12 apôtres. Ils étaient plusieurs centaines d'apôtres, dont évidemment un certain groupe était plus près de lui. Il y en avait 63 et évidemment, il y a eu, au niveau de ceux qui ont écrit des évangiles, il y en a eu 12. De ces évangélistes, on a exclu certains évangiles, c'est-à-dire qu'on en a exclu 8 et on en a gardé 4. Et de ces évangiles apocryphes, on en connaît, disons, présentement quelques-uns, comme l'évangile de Thomas, puis on a certains autres évangiles. Les apôtres ont eu plusieurs fonctions. Évidemment, les apôtres n'étaient pas tous des pêcheurs de poissons. D'ailleurs, on l'a un peu, disons, dans les quelques évangiles de la Bible. Et la première Bible, le premier évangile a été écrit en l'an 93 après la disparition du Nazaréen, c'est-à-dire presque 100 quelques années, 120 années après la naissance du Nazaréen. Et on a pris ce temps pour pouvoir éliminer certains évangiles et transformer les évangiles qu'on a fini par donc canoniser, accepter. Et on a fait le Nouveau Testament à partir de là. Les autres apôtres, évidemment, ont eu plusieurs rôles. En parler, il faudrait évidemment qu'on sorte un apôtre. On a Luc qui a eu un immense travail au niveau des guérisons, qui était lui-même d'ailleurs un Essénien comme le Nazaréen, sauf que Luc n'était pas de la secte nazaréenne, il était de la secte des gentils, et on a eu Paul qui était de la secte lui-même des Esséniens purs, qui ont donné naissance, évidemment, à la secte des Nazaréens. Alors, évidemment, si l'on veut parler des autres apôtres, on faut avoir au moins la base même de ce que c'est l'Essénien, de ce que c'est le Nazaréen, et non pas Jésus de Nazareth, étant donné que la ville de Nazareth a été baptisée 300 ans après la naissance du Christ, parce qu'on avait besoin d'une ville pour donner un lieu de naissance, un lieu, disons, d'origine à Jésus de Nazareth, qui en réalité était Jésus le Nazaréen, parce qu'il était de la secte des Nazaréens, relié à la secte essénienne. Alors, disons, si nous parlons de Luc un tout petit peu, Luc a été, premièrement, relié à une secte qui était très proche de la secte des thérapeutes, une secte essénienne qui était, surtout présente en Grèce, et il a été aux mêmes écoles, évidemment, que le Nazaréen, un peu comme Jean le Baptiste, d'ailleurs, les deux ont été à la même école ensemble, et le choix s'est fait sur le Nazaréen. Alors, Luc a travaillé beaucoup dans les guérisons, et il a essayé surtout d'augmenter les guérisons qui ne pouvaient pas se faire par le magnétisme pur. Les guérisons, disons, que le Nazaréen a faites souvent quand les personnes le touchaient ou lorsque les personnes avaient une foi. Il a essayé de travailler énormément au niveau des guérisons par la prière, c'est-à-dire par la descente d'une énergie grégorienne de façon à chasser des démons, mais non pas des démons de maladie, mais des démons de maladie beaucoup plus psychiatriques, psychologiques que physiques. Alors, on a par exemple des démons, prenons les termes, disons, de la Bible, qui perturbaient certaines personnes, leur donnant des crises d'épilepsie, par exemple, ou encore des mains sèches, enfin, des pathologies biologiques, physiques. Et on avait certaines maladies, et d'ailleurs, on le relate dans un des évangiles, où les apôtres viennent vers le Nazaréen, et lui disent qu'ils ont tout fait pour guérir telle personne, mais ça ne marche pas. Alors là, le Nazaréen leur répond, « Oui, mais cette maladie ne se guérit pas comme vous le faites, elle ne se guérit que par la prière. » Et Luc, thérapeute, disons presque thérapeute au niveau de la secte, a essayé, lui, de trouver des mécanismes, d'essayer de communiquer ses guérisons par la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est simplement lorsque tu as suffisamment de personnes qui énergisent un égrégore dans l'astral, donc tu crées une religion ou une espèce de réservoir, une religion de cure, et lorsque tu pries, comme quand tu exorcises quelqu'un, tu appelles ses énergies à toi, et ce qui fait que ces énergies, étant dans un plan vibratoire particulier, augmentent, transforment l'énergie de la personne atteinte, et la personne se voit guérie. Et lui a travaillé, par exemple, énormément de ce côté. Il a été châtié, il a été banni, il a souffert énormément, parce que sa guérison, une fois la disparition du Nazaréen, ce qu'il faisait comme travail se rapprochait trop de ce que seul le Nazaréen avait réussi à faire au niveau de guérison de force très démoniaque. Alors, il a souffert énormément, disons, l'a fait souffrir simplement parce qu'on disait de lui qu'il tentait d'imiter et de remplacer le Nazaréen. Alors que les autres apôtres se contentaient de guérison par le magnétisme, disons, conventionnel, l'imposition des mains, ce genre de choses, et vu que plusieurs apôtres le faisaient, et que le Nazaréen le faisait, mais faisait plus, et que Luc essayait de faire plus, évidemment, on a essayé, à cette époque, on a détruit Luc simplement parce que on a pensé qu'il essayait de copier, donc de plagier le Nazaréen. Alors, disons, on a d'autres apôtres, évidemment, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a 63, surtout, qui se sont fait reconnaître ou sentir, en plus des 12 qui ont écrit les évangiles. Mais comme dans la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils ont un rôle présentement ou s'ils sont sur d'autres plans? Ou... Non, le rôle, ils l'ont joué il y a longtemps. Le seule personne qui a un rôle présentement, réellement dans le plan planétaire, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Lazare, donc le comte de Saint-Germain, qui lui a un rôle présent présentement, comme il en a eu un évidemment tout au long de l'évolution de l'humanité, parce que Saint-Germain a été présent à l'époque de Salomon, il a été présent à l'époque du Nazaréen, celui qui s'appelait Lazare, il a été présent à l'époque de la Révolution française, de la création, disons, de la franc-maçonnerie, la nouvelle, l'anglaise. Et il est présentement encore présent ici pour différents rôles. Au niveau des apôtres, non, on n'a pas d'apôtres qui ont un rôle, disons, spécifique, particulier à l'évolution de l'humanité, pas présentement. Ils en ont eu un à jouer, et ce rôle se perpétue aujourd'hui, mais ils n'en ont pas en termes d'identité présente. Ils sont d'un autre ordre, totalement d'un autre ordre que Saint-Germain. OK. Une autre question qui est d'un autre ordre. Est-ce qu'un arbre peut être une antenne pour recueillir pour l'homme l'énergie tellurique qu'il a besoin? Oui, évidemment. L'arbre, comme une personne qui est malade peut, par exemple, se toucher un arbre et rester suffisamment en contact, en dialogue, donc, avec l'arbre, avec l'énergie vitale, donc l'énergie tellurique et l'énergie solaire, vu que c'est un arbre, dépendant si elle choisit le soir, la nuit, le jour ou le matin, et cette personne peut arriver à des guérisons. On a eu, par exemple, des cures qui ont été faites par Mesmer, qui était l'un des premiers à écrire sur la guérison par le magnétique, par le magnétisme, mais lui était un rusé, fiefé rusé, oui. Il attachait une immense corde faite en lin après un arbre. Il plaçait une vingtaine de chaises, il assoyait tous ses patients sur les chaises, il leur donnait la corde, il disait « Tenez ça, puis moi je repasserai quand vous allez être guéri. » Alors il s'en allait, et puis il collectait, il s'en allait, et lorsqu'il revenait 3-4 heures après, ben les clients qui étaient restés là se sentaient effectivement mieux. Alors évidemment, on a commencé à dire qu'il y avait un symptôme psychologique dans cet état. On a effectivement un symptôme psychologique évidemment de la croyance, mais le symptôme psychologique au niveau de la guérison par le magnétisme fait simplement, d'ailleurs comme n'importe quel truc psychologique, jette à terre les barrières qui t'empêchent de guérir. Et si tu as à guérir, si tu as l'énergie pour guérir ou le médicament ou les soins, là tu vas guérir. Mais alors donc, les personnes qui touchaient cette corde de lin, qui étaient attachées après un arbre, après un certain nombre de temps, guérissaient. Évidemment, ils choisissaient toujours un immense arbre, selon le nombre de personnes, parce que sinon, c'est l'arbre qui va devenir malade, et puis la maladie va se communiquer d'une personne à l'autre. Et c'est d'ailleurs le mécanisme qui fait que plusieurs guérisseurs par le magnétisme meurent des maladies qui ont le plus souvent guéri, parce qu'effectivement, il y a un échange, il y a un dialogue très fructueux, mais le magnétiseur ne connaît pas tous les mécanismes, donc, du magnétisme. Alors, on peut, dans la nature, dans la forêt, si on a nu-pied ou si on n'a pas de souliers, disons, isolants, bénéficier déjà de ces énergies. Maintenant, évidemment, il faut faire la différence entre des maladies yin, des maladies yang, des maladies de perturbation, des maladies de manque d'énergie. Or, il y a tellement de maladies que cela peut aider. On a une autre forme d'énergie magnétisante, qui est l'énergie de synthèse, une énergie non yin, non yang, mais qui est émise par l'homme et qui, elle, hors la connaissance, donc sans connaître la pathologie ou la médecine, le magnétiseur peut guérir n'importe quelle maladie sans connaître quoi que ce soit. Ce qui est différent pour l'acupuncteur qui doit connaître les questions, par exemple, d'organes mères, d'organes fils, d'organes bons, etc., les échanges qu'on va avoir entre ceux-là, les plénitudes, les manques, l'énergie yin, yang, les méridiens, les points d'acupuncture, etc., et de la médecine ordinaire qui offre certains médicaments qui vont transformer l'énergie vitale de la personne, comme par exemple, si on prend un médicament très connu, l'aspirine. L'aspirine a des effets anticoagulants qui sont chimiques, il a des effets liquéfiants sanguins, donc qui sont chimiques aussi, mais il y a des effets calmants qui vont éliminer certaines douleurs qui ne sont pas explicables scientifiquement. Maintenant, l'aspirine, entre autres, a une forme énergétique qui est sa forme chimique, qui, transmise au corps, transforme, donc améliore l'énergie corporelle. Chimiquement, évidemment, c'est un acide, c'est de l'acide acétylsalicylique, donc on a des brûlements d'estomac, mais qui améliore quand même l'énergie corporelle, ce qui amène des guérisons. Et c'est la même chose que si une personne magnétisait simplement pour arriver à une guérison. Alors, effectivement, se coller à un arbre ou enfin s'approcher de la nature, c'est un très bon moyen de capter de l'énergie tellurique, mais dans pour l'arbre, évidemment, c'est la nuit surtout qu'on doit toucher un arbre, si on veut capter de l'énergie tellurique, de l'énergie yin. Et le jour, ici, de l'énergie yin. Par contre, quand c'est couvert, on a plus d'énergie yin que yang, mais disons que le soir, c'est plus yin que yang, parce que le jour, c'est plus yang que yin. Comment établir la communication entre la pensée humaine, le moi, la présence divine en chaque être humain, les guides, les ajusteurs de pensée, le créateur, Dieu? C'est toute la synthèse. On va passer par l'intérieur humain, par avoir une ligne conférence. Bon, la pensée humaine, évidemment, on doit faire attention. Disons que je vais... La pensée humaine, le moi, la présence divine, les guides, tout cela se forme, tout cela est localisé dans la même région, ce que nous appelons l'ésotérisme astral. Donc, déjà là, comment entrer en communication avec la pensée humaine et le moi, c'est la même chose, mais de temps en temps, il faut bien remarquer que qu'est-ce qui différencie surtout le contact dans le dialogue, c'est simplement l'identification, là où elle se place. Alors, si je m'identifie bien gros dans ma forme physique, tu me parles de mon corps physique, il faut que tu fasses attention. Si je m'identifie bien gros dans ma pensée, dans mes calculs savants, dans mes inventions, et évidemment, l'homme, quand il rentre dans un dialogue, il s'identifie à pas grand-chose. Mais lorsque le dialogue commence, il tend à s'identifier à ce qui est important dans le dialogue pour pouvoir défendre son point de vue. Alors, si on parle des goûts et que l'homme est ingénieur, il s'identifie là-dedans. Mais si à un moment donné, dans les égouts, ben on fait remarquer que lui, il irait très bien faire des égouts, ben là, automatiquement, c'est plus dans l'égout que l'identification passe dans le corps physique, c'est dans la défense de l'image qu'il a de lui. Alors donc, la pensée humaine, le moi, la présence divine chez l'homme, c'est souvent toutes des formes différentes d'identification égoïque. Or, Dieu est en moi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en toi, tu le trouves beau, puis tu veux être sûr que c'est beau, puis toi, tu te trouves laid, alors tu décides de l'appeler Dieu. Puis tu t'identifies là-dedans quand même. Le moi, la pensée humaine, évidemment, c'est la même chose, sauf si tu étends la pensée humaine à la collectivité, on s'adresse donc à l'astral collectif. Comment entrer, par exemple, les guides? Les guides, vous faites attention, l'ajusteur de pensée n'est pas un guide. Les guides de lumière, c'est autre chose. On a plusieurs formes de guides spirituels, des maîtres qui viennent nous voir, mais c'est d'un autre ordre que l'ajusteur de pensée. Et cela encore fait partie de l'astral, donc de la psychologie de l'homme. L'homme, tout ce qu'il doit faire pour entrer, disons, pour observer ces choses, pour qu'il y ait un dialogue entre ces différentes localisations d'identification, il doit simplement observer. Mais étant donné que la pensée humaine, le moi, les présences, la présence des guides, tout cela est dans la psychologie de l'homme, cela est une illusion réelle ou une réelle illusion, c'est-à-dire que c'est une interprétation d'une réalité. L'homme met un mot pour désigner quelque chose de plus gros que ce que c'est. Le dialogue doit surtout exister, non pas entre ce genre de choses, mais entre le mental et ce genre de choses. Donc, entre ce qui pourrait permettre à l'homme de pouvoir diagnostiquer ce qui se passe chez lui, ou de pouvoir voir ce qui se passe chez lui, de comprendre ce qui se passe chez lui et ce qui se passe chez lui. Et non pas d'avoir un dialogue, par exemple, entre la colère et la paix. Et s'il y a un dialogue entre les deux, la colère va gagner, c'est officiel. Alors donc, où la paix va gagner, dépendant simplement de... si la personne est en colère et qu'elle veut dialoguer avec la paix, elle va avoir des gros problèmes. Elle devra donc avoir une colère contre la colère pour que la paix puisse s'installer. Mais elle ne sera pas en paix non plus, elle n'aura qu'une apparence de paix. Alors donc, entre tous ces mécanismes, le dialogue n'est pas important. Le dialogue ne peut pas être contrôlé non plus, parce que le moi peut-il contrôler le dialogue avec la pensée humaine, alors que le moi et la pensée humaine, c'est la même chose, s'identifient tous les deux. Alors, le moi peut-il communiquer, par exemple, avec la présence divine qu'il a en lui? Non, il va s'identifier à, là, il va mettre d'importance à cette présence divine, il va la déformer, il va donc la déformer, il va s'identifier un peu à cette présence, donc l'homme ne peut pas dialoguer, lui ne peut pas dialoguer avec lui. Par contre, entre l'énergie mentale, l'énergie astrale, psychologique, où tous ces genres de choses peuvent se localiser, la personne peut dialoguer entre l'énergie mentale et cela. Si Dieu rentre par en bas, tu peux quand même de par en haut dialoguer avec lui. S'il rentre par en haut, tu pourras dialoguer avec lui. Mais quelle que soit la présence qui vient, l'énergie mentale, ce qui permet le discernement chez l'homme, lui peut dialoguer avec tout le reste des entités. Dialoguer, par exemple, avec le Créateur, alors que l'homme est lui aussi créateur et créé, un peu comme les dieux créés et créateurs, l'homme ne devrait pas rechercher un dialogue avec ce genre d'entité. Il peut le faire si cela lui tente, mais il ne développera pas rien d'autre. Il sera toujours dans un doute perpétuel qui n'est pas mauvais, et s'il arrive dans la foi, il est convaincu qu'il est en contact avec le Dieu créateur, il ne pourra pas, s'il se trompe, se rendre compte qu'il se trompe. D'ailleurs, il se trompera, sauf s'il peut créer lui aussi. Là, évidemment, il sert de canal à l'énergie créatrice qui n'a pas besoin de lui comme canal pour créer. Alors donc, la personne doit surtout développer le dialogue entre l'énergie mentale et les autres corps, ou entre l'énergie psychologique et les autres corps. Surtout pour commencer. OK, la dernière question. Ici, là, les autres, c'est des feuilles blanches. Bleues, je veux dire. Lors d'un conflit psychologique, est-ce que l'explication mentale de nos émotions a pour effet de dissiper notre besoin d'exprimer nos émotions? Non. Lorsque nous comprenons ce qui se passe chez nous, nous ne réglons pas le conflit. Nous pouvons prévenir le conflit la prochaine fois, et surtout, nous énergisons suffisamment pour qu'à la longue, possiblement, que ce conflit n'apparaisse plus, parce que nous l'aurons suffisamment compris pour pouvoir l'observer, en prendre conscience, à l'instant même, au millième de seconde même, où il va commencer à naître. Mais le fait de comprendre que, par exemple, nous avons peur parce que nous avons déjà vécu une expérience similaire, et là, l'événement semble ressembler à ça, donc j'ai peur, ça ne règle pas la peur. Le fait de s'ennuyer, puis de se dire, je devrais pas m'ennuyer, je m'ennuie parce qu'il y a personne, ou en tout cas, essayer de trouver les mécanismes de l'ennui, ne règle pas l'ennui. Mais cela peut aider à un moment donné, où cela peut permettre à l'être de se raisonner pour ne pas tomber dans une dépression. Donc, il y a des bons côtés à l'observation, disons, à la découverte mentale ou intellectuelle du conflit psychologique, des mécanismes du conflit psychologique. Mais pour que réellement un conflit disparaisse dans l'instantanéité, la personne ne doit qu'observer le conflit. Donc, elle doit se dissocier du conflit. Se dissociant du conflit, elle place son identité, son identification dans l'observateur du conflit, et il ne voit plus d'importance au conflit, et le conflit ne peut plus être énergisé, et le conflit disparaît instantanément. Sauf que moindrement que l'identité redescend dans la psychologie, donc que ce n'est plus, elle n'est plus localisée dans l'observateur, mais dans l'observé, donc dans la personne émotive qui vivait le conflit risque de revenir. Et ici, elle peut juste observer ce qui se passe en elle, encore une fois, et non pas observer si elle a raison d'être de même ou non, si sa colère, une colère juste ou une colère injuste. Une colère, ça détruit de toute façon celui qui est en colère. Évidemment, la personne qui n'est pas dans un état d'observation, qui ne peut pas s'observer, c'est préférable qu'elle exprime son émotion. Disons, c'est préférable qu'elle exprime, évidemment, ça dépend de l'événement. Si elle exprime un peu trop fort, elle peut en subir un karma, hein? Si tu exprimes ta colère devant un juge, ben le juge va exprimer son ego devant toi. C'est lui qui a le pouvoir, fait qu'évidemment, tu payes pour. Alors donc, il y a des moments donnés où c'est préférable, disons, de la refouler que de la sortir, mais normalement, on devrait l'exprimer. D'ailleurs, l'homme l'exprime, mais au lieu d'exprimer les petites énergies bénignes qu'il a, parce qu'il ne peut pas, disons, les observer et voir s'ils sont intelligentes chez lui ou non, il les conserve en lui et à un moment donné, il les exprime toutes d'une claque, ce qui est dommageable. Ou encore, il les exprime d'une façon pathologique, c'est-à-dire que la vibration psychologique finit par perturber la vibration vitale, ce qui finit par développer une inharmonie physique et on a une maladie physique. Donc, lorsque la personne observe réellement qu'elle ne juge pas, qu'elle ne condamne pas, elle sort, elle s'extirpe du conflit psychologique et son identité se place dans la conscience mentale. Et il n'y a plus d'importance dans l'événement émotif. Elle l'observe et elle trouve ça carrément stupide. Elle ne trouve même pas stupide, elle le voit disparaître. Le conflit disparaît, mais le conflit n'est pas réglé à du temps éternel. C'est un mécanisme avec lequel elle devra vivre. Elle a une psychologie. Mais lorsque la personne comprend les mécanismes, elle aura, à un moment donné, la possibilité de finir par ne plus devoir observer la colère. Elle ne devra plus lutter contre la colère parce qu'elle ne sera plus jamais en colère. Par contre, elle sera suffisamment intelligente pour devoir imiter la colère lorsqu'elle aura besoin de communiquer la colère. Mais cela ne la troublera jamais parce qu'elle n'est pas en colère. Alors donc, tu ne luttes plus contre la colère, tu n'es plus en colère. Il n'y a plus d'émotion de colère parce qu'à l'instant où ça apparaît, tu observes et ça disparaît. Par contre, tu vois clairement ce qui se passe et tu peux être beaucoup plus efficace que le fait, évidemment, de lutter contre la colère. Soit dit en passant, lorsque nous devons lutter contre une émotion, nous créons un autre conflit en nous. Évidemment, si nous devons lutter pour éviter quelque chose de pire, c'est préférable de lutter et d'avoir un autre conflit. Mais le fait de lutter contre une émotion, d'ailleurs, le fait de l'exprimer, faut faire attention, le fait de l'exprimer, si on ne fait que l'exprimer d'une façon radicale et rapide, là, c'est bon. C'est bon tant que tu as ces conflits, évidemment. Mais ce n'est pas une raison de garder les conflits parce que tu les exprimes. Par contre, si tu l'exprimes de façon à l'énergiser, bien évidemment, là, la personne qui vient exprimer le fait que son mari lui fait du mal ou que sa femme le trompe, puis qu'il s'exprime comme ça à toutes les personnes qu'elle rencontre, bien, elle n'exprime pas à l'énergie son conflit. Donc, elle tient à son conflit, puis elle profite de toutes les occasions qu'elle a pour pouvoir l'énergiser. Alors donc, si tu es en colère, ce n'est pas en criant après quelqu'un, ce serait, par exemple, en allant faire du jogging. Là, tu l'exprimerais. Ce serait en criant pour l'éliminer. Là, tu ne risques pas de l'énergiser, mais tu vas l'exprimer. Là, c'est pas dangereux. Alors, si tu as le goût de broyer parce que tu es triste, c'est préférable d'aller courir dehors. Tu vas peut-être broyer tout le long de courir, mais tu ne l'énergiseras pas. Parce que tout est transmué en autre forme d'énergie. Et lorsque tu as fini, tu es bien. Alors donc, il faut faire attention, il faut exprimer, mais pas nécessairement exprimer le conflit comme il aimerait être exprimé. Et si l'on observe le conflit, donc si on se place dans une conscience mentale, si on observe et que notre identité disparaît du conflit, le conflit disparaît aussi, il n'y a pas de conflit. OK, c'est parfait. J'ai oublié une petite question dans le tas, là, mais... Pose-la vite parce que... Oui, c'était on demandait ce que l'homme a sept corps, peux-tu les nommer dans l'homme? L'homme a sept corps. Bien, l'homme n'a pas sept corps. L'homme, si tu représentes sept corps, disons qu'on a le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental, le corps bouddhique et le corps divin. Ce sont les sept formes de corps que l'homme, l'ésotérique, a donné. Présentement, l'homme a le corps physique, le corps vital, le corps astral, psychologique, le corps mental. Il n'a que ces quatre corps qui sont d'essence planétaire. Il y a trois corps d'essence extraplanétaire. Et l'homme est en train lentement d'être assujetti ou de commencer à développer un nouveau corps, le corps supramental. Donc, l'homme prochainement aura cinq corps.